Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Bonsoir à vous et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Raphaël Payeur. Je vois qu'on a un petit coin de ciel bleu ce soir au-dessus de nos têtes. Le soleil fait une percée, c'est intéressant. Alors ce soir, il doit être question de réussir sa vie. Alors est-ce qu'on peut dire que si rendu à 22, 23 ans, je suis marié, j'ai mes enfants, je les élève, j'ai une job intéressante, à 30, 35 ans, j'ai ma maison, mon auto, mes deux postes de télécouleur, et à 55 ans, ma retraite anticipée, je suis un bon chrétien, je vais à l'église au moins une fois par semaine et je me confesse une fois par mois, est-ce que j'ai réussi ma vie ? Je ne doutais pas que vous introduisiez ce sujet avec une note spirituelle, d'autant plus que la question précisément de réussir sa vie est une question fondamentalement spirituelle. On va essayer ce soir donc de répondre exactement à cette question sur laquelle vous entamez donc cette discussion, et en se posant surtout des questions primordiales autour des grandes articulations ou des grandes règles, si on veut, qui peuvent nous permettre éventuellement de réussir sa vie. Peut-être vaudrait mieux commencer par se demander comment, puisque c'est le thème de la conférence, comment réussir sa vie, pour ensuite se rendre compte et poser la question, mais qu'est-ce que réussir sa vie, hein? Je vous disais que c'est une question spirituelle parce que toutes les religions, tous les groupements spirituels qui pullulent autour de nous, nous proposent justement des programmes pour réussir notre vie. En nous disant, dans ce siècle où, par exemple, il y a 365 000 suicides réussis par année, eh bien, on peut se poser des questions sur le sens de la vie. On peut se poser des questions aussi sur notre définition de la réussite. Et un des hommes qui a posé, à mon sens, la question avec le plus de vigueur et aussi avec le plus d'intelligence, c'est justement un homme qui est à la tête d'un grand mouvement spirituel dans le monde et dont le siège international est à Pasadena, en Californie, c'est Herbert Armstrong. Herbert Armstrong, qui est l'éditeur en chef de la revue La Pure Vérité, que vous connaissez peut-être, en fait que tout le monde connaît puisqu'elle est éditée à plusieurs millions d'exemplaires, plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, en plus de 10 langues. Bon, c'est une revue qui paraît tous les mois, qui est distribuée gratuitement. Alors, c'est une masse d'informations et une masse de papier, imaginez-vous, hein, des millions, des dizaines de millions d'exemplaires diffusés dans le monde entier. Il a commencé, je crois, dans les années 30, avec une revue qu'il publiait à 250 exemplaires. Il est rendu avec une structure incroyable, avec précisément des installations, notamment à Pasadena ou également en Angleterre, qui sont tout à fait particulières, puisque ce sont des bâtiments très souvent, ou en fait dans deux cas en particulier, qu'il raconte d'ailleurs dans un livre que je vous présenterai tout à l'heure, deux bâtiments de multimillionnaires qui ont donc réussi leur vie un peu dans les termes que vous l'avez présenté tout à l'heure. Alors, ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont construit un édifice extraordinaire, mais ils sont morts. Éventuellement, évidemment, tout le monde meurt. Et étant mort, ils n'ont évidemment pas apporté ça avec eux. Et c'est Herbert Armstrong qui s'en est approprié pour l'Ambassador College. Alors, vous vous rendez compte que cet homme a construit un empire religieux qu'il appelle l'Église de Dieu, un empire religieux absolument extraordinaire. Il a des avions privés qui le déplacent où il veut. Il a les caméras de télévision à toutes les semaines. Il a des centaines d'heures d'auditions radiophoniques dans tous les pays du monde à toutes les semaines également. Donc, il est véritablement l'âme ou l'animateur de quelque chose d'extraordinaire qui a commencé avec rien. Donc, on pourrait se dire, voilà un homme qui a réussi. Réussi dans quel sens? Réussi dans le sens où il est passé à l'action. Quand on pose la question, comment réussir sa vie? Il faut d'abord se poser la question, mais qu'est-ce que réussir? Et réussir implique une mystique, je dirais, une mystique maçonnique. Implique une philosophie maçonnique de l'action. Agir, bâtir quelque chose, construire quelque chose. Alors, dans cette philosophie de l'action, je suis pas tellement certain qu'il serait heureux d'entendre dire qu'il a fonctionné dans une mystique maçonnique, mais dans cette idée de la construction ou de l'action, eh bien, il y a certains principes, il y a certaines règles. Et alors, évidemment, lorsque Mario a choisi ce thème de conférence, comment réussir sa vie, j'ai tout de suite fait le rapport avec l'une des brochures, justement, d'Herbert Armstrong, qui s'appelle « Les 7 lois du succès ». Que je vous remettrai d'ailleurs gratuitement par la suite, puisqu'elle est gratuite. Encore une chose assez étonnante, c'est qu'il publie des dizaines et des dizaines de titres de brochures et parfois des livres de 300 pages qu'il distribue dans toutes les langues, dans tous les pays gratuitement. C'est assez étonnant qu'il puisse réussir à faire fonctionner ça. Comment fait-il pour réussir? Eh bien, il a donné ses clés dans les 7 lois du succès qui sont à l'intérieur de ça. Je passerai vite les 6 premières lois qui, à mon avis, sont évidemment très intéressantes, mais qui ne sont pas pour moi primordiales, je m'arrêterai sur la dernière loi qu'il a indiquée, qui, à mon sens, est le fondement de toute la chose et nous permet également d'aller beaucoup plus loin et de faire une étude beaucoup plus approfondie du sens de réussir sa vie, justement. Bon. Alors, ces premières lois, je vous les donne quand même, puisque je pense que c'est intéressant. Ça sera très technique, très pratique pour des gens qui veulent réussir leur vie, juste au degré 6. À partir du degré 7, qui est la dernière qu'il présente, eh bien là, on étudiera vraiment ce que ça peut signifier pour un homme qui se conscientise, pour un homme nouveau, le phénomène de réussir sa vie. Mais pour un homme, disons, ordinaire, les 6 premières lois sont suffisantes. Ces 6 premières lois sont les suivantes. Évidemment, il dit, parce que je me réfère donc pour le catalogage de ces lois à Herbert Armstrong, mais j'aurais pu prendre un catalogage qui aurait été fait par n'importe qui, finalement, c'est pas vraiment le catalogage qui est important, comme les grandes idées qui sont émises. Alors, il dit d'abord, il faut être dans un esprit de justice. Alors là, vous voyez, il exprime tout ce dont on a parlé dans des conférences antérieures autour de la loi du karma, autour de la loi de l'équilibre, autour de la loi de la balance, qui fait que lorsqu'on met de l'énergie sur un plateau, sur l'autre plateau, il se fait un contrebalancement, si on veut. Eh bien, il dit d'abord, soyez moral, soyez juste. Ensuite, il faut appliquer les 7 lois suivantes. Première loi, fixez-vous le but qui convient. Ça aussi, dans des conférences antérieures, on en a souvent parlé. Avoir un but, avoir un objectif dans la vie. Combien de gens sur Terre n'ont pas d'objectif dans la vie, n'ont pas de but, ne se sont pas identifiés à un idéal, et alors ils se demandent pourquoi ils s'ennuient, pourquoi ils ne savent pas quoi faire, pourquoi il n'y a plus suffisamment de canaux sur leurs 110 pitons pour la télévision, il n'y a plus suffisamment de canaux pour les distraire. Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas justement fixé un but très précis à atteindre, quelque chose à réaliser qui crée comme une forme pensée qui tend à se réaliser et qui aspire la personne vers cela. Bon, première loi donc qui a fait qu'Herbert Armstrong, je le prends donc comme exemple, il se prend pas lui-même comme exemple, mais je trouve que c'est un très bon exemple de quelqu'un qui réussit en tout cas dans les 600 degrés. Alors, fixez-vous un but qui convienne. Deuxième loi, l'éducation ou la préparation. On se fixe un but. Maintenant, il faut être préparé pour arriver à ce but. Il faut s'éduquer, c'est-à-dire qu'il faut développer en soi les capacités et les compétences nécessaires pour arriver à ce résultat. C'est ce que l'on a présenté la semaine dernière, peut-être avec un peu de rigueur, mais c'est ce qu'on a indiqué autour des principes de l'éducation. Il faut donc développer un système d'éducation, se préparer soi-même par des phases bien, bien particulières, des étapes bien particulières, à être en mesure de remplir les fonctions et les exigences que notre but exige, demande. Alors, évidemment, c'est tout le domaine de la préparation. Il y a un aspirant à l'initiation à Sherbrooke qui répète souvent dans ses conférences, il ne faut pas brûler d'étapes ou il ne faut pas sauter d'étapes. Alors, c'est très important être en mesure de se discipliner, d'établir des objectifs très précis à réaliser sur le plan éducationnel et puis y arriver, c'est-à-dire obtenir, si on veut, la formation ou la préparation nécessaire. Deuxième loi, donc, se préparer correctement. Puisque on n'est pas un animal qui reçoit tout par instinct, qui sait réaliser tout à la naissance, mais on a besoin d'apprendre à marcher, on a besoin d'apprendre à parler, on a besoin d'apprendre à faire tout ce dont tout ce que l'on veut réaliser, donc demande une certaine dose d'apprentissage. Deuxième loi, donc, éducation. Troisième loi, la bonne santé. Évidemment, si vous avez un objectif extraordinaire, que vous avez une éducation qui vous permet d'avoir tous les schémas nécessaires pour réaliser vos objectifs et que vous n'avez pas la santé, vous êtes très handicapé. Hein? Le don le plus précieux de la vie, c'est bien la santé. Alors, pour réussir sa vie, évidemment, il faut avoir une santé suffisante pour nous permettre d'agir, pour nous permettre d'avoir au niveau du mental une certaine clarté, une certaine lucidité dans ses émotions, etc. Ça demande une certaine discipline, ça demande aussi d'une certaine manière une éducation, puisque Armstrong est quand même intéressant, bien que je partage pas toutes ses opinions, il dit que les hommes du 20e siècle sont des bébés adultes. Hein? Par exemple, au niveau de l'alimentation, c'est des bébés adultes. Ils mettent tout ce qu'ils voient dans leur bouche. Hein? Ils mangent de n'importe quoi, exactement comme un enfant, vous le mettez dans un carré de sable, vous vous rendez compte, vous le regardez, il est en train de manger du sable. Bon. Ben, l'homme adulte fait un peu la même chose en empiffrant toutes sortes de substances qui n'ont rien à voir avec une alimentation saine et qui le détruisent, si on veut, sur le plan de la santé. Troisième loi, la santé. Quatrième loi, l'énergie et l'esprit d'initiative. Hein, une espèce de combativité qui soit bien orientée, qui fasse que on prend les choses en main, qu'on n'est pas face au but à atteindre amorphe, et sans vie, mais qu'au contraire, on y met tout le dynamisme nécessaire, toute l'énergie nécessaire. Cinquième loi, la débrouillardise. Face à l'imprévu, des choses qui... Parce qu'évidemment, dans un projet, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des problèmes qui surgissent. Face aux problèmes, être capable, par une bonne dose de débrouillardise, de réaliser ce qui se passe et d'être en mesure d'y apporter une solution. Hein? J'ai un ami qui dit souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ben, ça, c'est une attitude de débrouillardise. Maintenant, c'est pas tout le monde qui, de nature, est porté face à un problème à dire, ben en fait, il n'y a que des solutions autour de ça. Esprit de débrouillardise. Sixièmement, évidemment, c'est peut-être l'une des lois les plus importantes, la persévérance. Face à un but qu'on veut atteindre, si on n'a pas la persévérance, c'est certain qu'on ne l'atteindra jamais. C'est peut-être justement ce qui fait qu'il y a 365 000 suicides par année, c'est-à-dire 1000 par jour dans le monde, parce que tout à coup, des gens se retrouvent face à des idéaux qu'ils avaient, des objectifs qu'ils avaient, et dans une situation où tout semble être inutile, tout semble ne plus pouvoir concourir à ce résultat. Alors, ils sont face à un certain échec, un certain constat d'échec, et ils n'ont pas la persévérance de dire « oui, mais encore ». Bon, alors ça, c'est la persévérance. Et la septième loi, qui est évidemment la loi d'un spiritualiste, et qu'on va analyser peut-être à un niveau très différent de celui d'Herbert Armstrong, demain. Herbert Armstrong dit comme les hommes réussissent avec ces six lois, ils se bâtissent des empires financiers, ils deviennent riches, ils deviennent plein de serviteurs, etc. Ils ont leurs avions, ils ont leurs pensions, ils ont tout ce qu'ils veulent, sauf qu'ils ressentent intérieurement un vide très profond. Ils sentent que la vie, en fait, ne leur a pas vraiment apporté grand-chose. Ils sont plus capables éventuellement de se supporter eux-mêmes et ils finissent par considérer que leur vie a été un échec. Bon. Alors, il dit, cette septième loi que les gens oublient, c'est le contact avec Dieu. Alors, c'est sur cette septième loi que je veux parler ce soir, non pas avec les termes qu'Herbert Armstrong utilise, parce que les termes qu'Herbert Armstrong utilise sont les termes d'une institution qui est celle qui l'a fondée, mais de ce contact avec, nous ne dirons pas nous, Dieu, mais avec la vie elle-même. On peut vouloir réussir sa vie et vivre d'une vie artificielle, c'est-à-dire une vie qui fait partie de tout ce mouvement d'achat de la voiture de l'année, d'achat de la mode, etc. Tout ce mouvement artificiel qui nous entoure, qui fait comme un peu paralyser ou alors distraire notre conscience, et puis ne pas participer à cette vie de l'esprit. Cette vie de l'esprit qui est une vie universelle et par laquelle, et avec laquelle plutôt, on doit tranquillement communier, c'est-à-dire s'unir très profondément pour ne pas être des êtres extérieurs qui vivons d'une réussite exotérique, si on veut, purement extérieure, mais des êtres qui, intérieurement, participent à cette réussite de la vie universelle. Et cette réussite de la vie universelle, c'est une réussite qui passe par la transcendance. Cette semaine, à la Bibliothèque Atwater, je donnais une conférence sur la naissance de l'idéal Rose-Croix. J'ai expliqué un peu cette idée de la transcendance, c'est-à-dire être en mesure, peut-être ça va vous étonner, de se décentrer. L'homme qui vit seulement avec les six premières lois de la réussite se centre, c'est-à-dire qu'il est le centre de tout son univers. Alors, tout tourne autour de lui, les factures et les objets, tout tourne autour de lui, et c'est lui qui en devient comme l'axis mundi, l'axe central, et ce qui progressivement fait en sorte que il n'y a plus d'autre chose pour cet individu-là que lui-même. Alors, il vieillit, il faiblit, ses sens commencent à le tromper un peu. Alors, comme il n'a que lui comme valeur finalement essentielle, puisqu'il s'est centré uniquement sur lui, eh bien, il semble, à mesure que sa personnalité décroît, à mesure qu'il n'est plus capable de marcher sans une canne, par exemple, il semble qu'il perd en même temps tout. Il perd vraiment toute sa réalité, évidemment. La personne qui réussit avec les six premières lois, quand elle est dans la fleur de l'âge, quand elle est dans la réussite, hein, quand les gens l'attendent à la table de présidence ou à la table d'honneur de tous les banquets ici et là. Cette personne-là, elle se sent très bien, elle sent sa vie comblée parce qu'elle est en mesure de supporter une vie artificielle de par sa force biologique, de par sa conscience extérieure qui est très forte. Mais du moment que cet individu perd un peu de cette conscience extérieure, de cette vigueur, de cette virilité exotérique, eh bien, il perd en même temps tout son point de référence. C'est pourquoi cette septième loi, qui est la loi de la transcendance, nous amène progressivement à une expérience de l'universalité. On est ici au centre de l'universalité. D'ailleurs, l'expression est assez curieuse parce que ça équivaut à peu près à parler du centre de l'universalité, ça équivaut à peu près à parler dans le langage de d'Yvon Deschamps à la droite de partout, hein, à la droite du père, à la droite de partout. Alors, où est le centre de l'universalité, je vous le demande, hein? Alors, on parle du centre de l'universalité, mais il faudrait aussi, d'une certaine manière, penser en termes, justement, d'une universalité qui n'a ni début, ni commencement, ni centre, évidemment, c'est-à-dire une universalité à laquelle on va fusionner et qui nous permet cette expérience qui est en quelque sorte de se décentrer, c'est-à-dire de prendre son centre et de le mettre hors du moi. Hein? On a entendu parler dans les années qui sont passées, qui étaient les années d'effervescence un peu de la mystique ésotérique, on a entendu beaucoup parler de la vie impersonnelle ou de la vie universelle. Or, réussir sa vie, c'est aussi fusionner dans cette espèce de vie universelle, c'est-à-dire aller au-delà d'une pure vie personnelle, d'une pure dimension où c'est la personnalité qui est centre de toutes les activités, mais tranquillement s'effacer à l'intérieur de cette communion très, très intime avec l'universalité. Lorsque Herbert Armstrong parle du contact avec Dieu, je ne sais pas avec quel Dieu il veut que les gens aient un contact, et je ne connais pas non plus véritablement la nature de ce contact, puisque je ne le connais pas personnellement, puis tout ce que je en sais, c'est des lectures autour de ses écrits, mais lorsque moi je vous parle d'un contact avec Dieu, je vous parle d'un contact avec la vie universelle, impersonnelle, et ce contact-là qui fait en sorte que tranquillement vous perdez de cette espèce de dimension figée, exotérique de votre personnalité, et vous participez à quelque chose de beaucoup plus vaste. Hein. Mais ça ne correspond pas à un contact avec Dieu qui, par exemple, serait semblable à celui des Romains. Hein. Prenons l'exégèse de Rome que vous affectionnez particulièrement. Qu'est-ce qu'on recherche très souvent lorsqu'on va vers cette église? Vous disiez tout à l'heure, il va à la messe tous les dimanches et se confesse une fois par mois. Il serait mieux de se confesser à chaque fois qu'il va communier. Hein? C'est la règle dans l'église de Rome. On l'a un peu oublié, mais c'est quand même la règle. Alors, ceux qui cherchent à l'intérieur de l'église de Rome, ce ne sont pas tous comme ça, mais très souvent, on recherche quoi? On recherche le salut des Romains. Hein? Vous savez comment était constitué le peuple romain. Bon, évidemment, lorsque le siège de l'Église romaine s'est installé évidemment à Rome, ils ont pris un peu de sa politique romaine, des Césars, etc. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le salut des Romains, c'est-à-dire que l'on considère que l'Église romaine est une meilleure assurance-vie ou une assurance-vie plus solvable que la Sun Life. C'est ça qu'on recherche. C'est-à-dire on recherche une sécurité comme un contrat d'assurance qui nous dit, bon, mais vous allez être sauvés. Quand on va à la Sun Life, on veut de l'argent. Lorsqu'on va à l'église de Rome, souvent, on veut la promesse d'un paradis ou on veut la promesse d'une pérennité de son âme, pérennité de sa conscience, etc. On recherche un salut, on recherche être véritablement sauvé, mais comme on est. Hein? Puis on veut se retrouver là-bas, dans le paradis, puis échanger, puis retrouver sa vieille grand-mère, puis tout ça. Hein? Puis on veut avoir notre crème glacée à vanille, si c'est la crème glacée à vanille que l'on aime. Bon, on veut véritablement perdurer dans les limitations que l'on connaît actuellement. Ça, c'est un type de salut, un type de contact avec Dieu qui ne permettra pas de réussir sa vie. D'ailleurs, vous vous souvenez de la parole du Nazaréen, celui qui veut garder sa vie la perdra. Alors, ces gens, ces hypocrites qui feignent une relation avec Dieu, mais pour garder leur vie, hein, telle qu'ils la vivent actuellement, ça, ce sont des gens qui très nécessairement la perdront. Alors, c'est pas de cette vie-là non plus qu'on parle. Lorsque je parle d'une union avec la vie universelle en l'homme, c'est de considérer que, justement, cette vie, elle est plus que l'homme. Et qu'en réalité, l'homme est comme un lieu où la vie prend conscience d'elle-même. Dans l'homme, lorsqu'un individu vraiment vit cette septième loi de la réussite et qu'il communie très intensément avec les plans de la vie de l'esprit, eh bien, il se rend très vite compte que ce n'est pas en fait lui qui grandit, mais c'est la vie universelle qui, pénétrant en lui de façon libre, s'auto-appréhende comme vie, c'est-à-dire réalise en quelque sorte sa propre conscience. Et lorsque la vie universelle s'infuse sur les plans de l'esprit à l'intérieur de l'homme et réalise sa propre conscience, il n'y a plus d'altérité. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence entre la vie et ses manifestations. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus non plus cette vie mécanique, c'est-à-dire la vie qui fait qu'on est capable de bouger, cette vie qui fait en sorte que dans les mitochondries, il y a oxygénation, respiration cellulaire. Bon, c'est plus ça qui fonctionne. C'est plus une pure mécanique cytologique, histologique ou quoi que ce soit. C'est pas une mécanique biologique. C'est une expérience véritablement au-delà de cette mécanique. C'est une expérience, vous diriez, vous, intelligente. C'est l'intelligence de la vie qui passe en l'homme. Et cette intelligence de la vie qui passe en l'homme, elle ne peut passer que par une relation de contact. Alors voilà pourquoi je trouve l'exposé d'Herbert Armstrong, bien que, encore une fois, je le répète, je ne partage pas sa psychologie, sa philosophie et sa théologie, mais je trouve très, très bien son étude autour de ces thèmes, parce qu'il arrive justement à ce point crucial qui fait que pour réussir sa vie, en fait, il faut éliminer un peu le « ça ». Le « ça » qui est un pronom personnel. Ça ne va pas, un pronom personnel avec la vie. Il faut, d'une certaine manière, réussir la vie. Permettre à cette vie de s'exprimer vraiment en soi, et ça ne se fait que par l'idée de contact. Mais comment ce contact peut-il se réaliser? Ben ça, c'est absolument très simple. Bon. Vous lisez dans la Genèse que le souffle de vie a été lancé dans les narines de l'homme par Jéhovah et que ce souffle de vie en fait en sorte qu'une personne est devenue justement un être vivant. Donc, la vie universelle dans l'univers se manifeste de manière primaire par le souffle. Si on réalise ça, si on commence à comprendre un peu cette idée, eh bien, on vient de trouver comment réaliser dans notre vie la septième loi pour la réussite, la septième loi du succès. C'est d'en arriver à entrer en contact, en relation intime avec cette vie par le souffle. Or, qu'est-ce que c'est le souffle? Le souffle est soumis à une loi qui est la loi de l'inspire et de l'expire. Ça veut dire quoi, ça? Lorsqu'on parle du souffle, lorsqu'on parle de la respiration, on parle toujours d'un équilibre entre l'inspire et l'expire. Parce que, évidemment, si vous décidez, vous, tout à coup, que vous allez qu'inspirer, vous allez expirer, hein? Bon. Et puis, si vous décidez, tout à coup, que vous allez qu'expirer, vous allez inspirer, à un moment donné. Bon. Et puis, des fois, c'est des drôles d'inspiration, quand on ne fait qu'expirer. Alors, ça veut donc dire que le mécanisme de la respiration, premier outil de fusion avec la vie universelle, doit se faire de manière équilibrée, entre l'inspire et l'expire. C'est-à-dire, entre une phase d'intériorisation, que les magiciens appellent l'oratoire, que les psychologues appellent l'égoïsme, que les physiciens appellent la phase endothermique, que les spiritualistes appellent la phase intérieure. Donc, une phase où les choses sont rapportées à soi. Bon. Et puis, une phase d'expire, que les magiciens appellent le laboratoire, que les psychologues vont appeler l'altruiste, que les physiciens vont appeler l'exothermie, la phase exothermique, que les spiritualistes vont appeler la phase intérieure. C'était extérieur, pardon. Expire, extérieur, c'est ça. Inspire, tout à l'heure, c'était intérieur. Alors, ça veut donc dire que dans sa vie, il faut faire et user d'un juste dosage entre l'égoïsme et l'altruisme, entre la phase oratoire réceptive et la phase laboratoire active. Il faut faire un juste usage entre la phase endothermique d'intériorisation des choses, d'incorporation en soi, la phase exothermique d'extériorisation des choses, d'aller vers l'autre. Donc, il faut être en mesure de pouvoir entrer dans la retraite de soi-même et aussi, d'une certaine manière, et dans un rapport d'équilibre, s'extérioriser vers l'autre, travailler, si on veut, avec l'autre. Et cette unité de la vie, la même unité de la vie qui fait que lorsque vous absorbez de la nourriture, cette nourriture devient votre propre corps, c'est-à-dire fusionne par le mécanisme de la vie à l'unité de votre organisme biologique, mais c'est cette même force qui, sur le plan biologique, matériel, s'exprime sur les plans de l'esprit pour faire en sorte, éventuellement, qu'au niveau psychologique, on arrive à cet équilibre, qu'au niveau également sacré, je dirais, on arrive à cet équilibre entre la phase intérieure et extérieure, entre la phase ésotérique, si vous voulez, et la phase exotérique. Mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut devenir conscient de cette réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur la Terre, tout à l'heure je vous ai dit réussir sa vie en quelque sorte, c'est que la vie prenne conscience d'elle-même à l'intérieur de l'homme. Alors, des gens qui fonctionnent sur la Terre de manière mécanique. Alors, ils passent leur vie de manière mécanique. Et on peut, de manière mécanique, réussir sa vie jusqu'à un certain point avec les six premières lois. Parce que si vous mettez en sur pied les 6 premières lois dont on a parlé, vous allez réussir votre vie, ça c'est certain, sur un plan extérieur, jusqu'à ce que votre corps, bon, vous laisse tomber. Mais ça ne sera pas une réussite totale parce que vous aurez été inconscient. Donc, si on prend cet exemple du souffle, il doit donc être essentiel dans notre vie que le souffle soit conscientisé. Parce que, imaginez-vous une chose, l'homme peut se priver de plein de choses. Il peut se priver de boire pendant un certain temps, de manger, etc., mais il ne peut pas se priver de respirer. Donc, la respiration sur le plan de la vie, hein, encore une fois, qu'on le prenne seulement sur un plan physiologique, c'est essentiel. Eh bien, cette respiration sur le plan de la vie, malheureusement, elle est, la plupart du temps, totalement inconsciente. Or, il faut qu'en Occident, on apprenne progressivement à prendre conscience, à conscientiser très intérieurement toutes ces fonctions qui nous apparaissent mécaniques. Car réussir sa vie, c'est de passer du mécanique à l'intelligence. C'est de passer d'un pur enchaînement conséquentiel à quelque chose qui est véritablement conscientisé. Alors, la respiration, c'est important. C'est-à-dire, lorsque vous inspirez, lorsque vous expirez, il faut vous rendre compte, il faut au moins à quelques reprises dans la journée, savoir que lorsque vous inspirez, vous êtes dans cette phase où vous prenez la vie universelle qui est autour de vous. Parce que la vie, les orientaux l'avaient bien compris dans la notion du prana, les occidentaux l'ont compris dans la vision de l'éther, mais tout autour de soi, il y a les forces de la vie qui nous environnent. Et lorsqu'on respire, on est égoïste, on est en phase oratoire, on prend pour soi cette vitalité universelle, on l'intègre à notre propre structure, de telle sorte que cette vie, elle va venir activer, encore une fois, nos mitochondries puis tous nos organites cellulaires. Bon. C'est de prendre conscience de ça. Si vous le faites de manière mécanique, vous allez vivre. Ouais, survivre, si vous voulez. Si vous le faites de manière consciente, eh bien, ça sera beaucoup plus puissant, ça sera beaucoup plus efficace, parce que votre conscience elle-même va tirer de cette expérience le but de son existence, en quelque sorte. Puisque nous sommes là pour tirer de l'expérience certaines leçons. Alors, par la participation de sa conscience, eh bien, dans ce mécanisme de respiration, c'est tous les mystères qui nous sont révélés. Et on se rend compte que, dans la vie, donc, on est aussi, plus ou moins de manière équilibrée, ça, il faut arriver à le réaliser, on est cette personne qui s'extériorise et cette personne qui s'intériorise. Ensuite, vous buvez de l'eau. Hein? Y a-t-il quelque chose de plus bête que de boire un verre d'eau? Hein? Et de plus machinal, même. Mais c'est pas du tout réussir sa vie, c'est pas de boire de l'eau machinalement, parce que vous pouvez boire des hectolitres d'eau machinalement, ça va rien changer. Il faut, lorsqu'un homme prend un verre d'eau, hein, et puis qu'il en absorbe une gorgée, il faut qu'il réalise des choses extraordinaires. Par exemple, que cette eau qui est dans ce verre, elle est vectrice de vie, qu'elle va descendre à l'intérieur de tout son organisme, qu'elle va lui apporter cette force de vie. Lorsqu'il ne le réalise pas, qu'il prend machinalement un verre d'eau, ça apporte une vie biologique. Lorsqu'il prend son verre d'eau, le même verre d'eau, et puis qu'il conscientise sur le plan d'esprit, non seulement cette vie biologique fait en sorte que son organisme demeure en état d'action, mais en plus, son esprit est vitalisé. Il nourrit son esprit de par sa propre attitude de conscience par rapport à son geste de boire. Manger, c'est la même chose. C'est pourquoi les civilisations, jusqu'à nos jours, ont fait de la nourriture un acte de la nourriture et du fait de manger un acte sacré. Alors, prenez les Romains, prenez toutes les civilisations anciennes, prenez le christianisme avec l'Eucharistie, c'est le manger, c'est un phénomène sacré parce que c'est encore un phénomène où la vie s'exprime, cette vie biologique qui fait en sorte que les particules alimentaires qu'on absorbe deviennent notre propre corps, mais aussi une vie de l'esprit. Parce que ce n'est pas seulement une vie mécanique qui est dans la nourriture, mais c'est le hoc essenim corpus meum, c'est le corps de la vie universelle, c'est le corps de Dieu, si vous voulez, qui est dans cette nourriture, dans cette nourriture que vous absorbez. Donc, tout est au niveau de l'esprit. Ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que cette septième loi, ce n'est pas une loi artificielle de croire en quelque chose qui serait sur un nuage ou on ne sait pas trop où, ou de croire en un concept théologique de Dieu, ça n'a rien à voir. C'est de réaliser que toute chose matérielle a une contrepartie dans l'esprit dans la mesure où on prend conscience de cette contrepartie dans l'esprit. Ça, c'est ça qui est fondamental. Et si on prend conscience de cette contrepartie qui nourrit et qui sustente notre vie de l'esprit, eh bien, on répond à la grande demande, finalement, qui nous a été faite. Vous savez, Saint Grégoire de Nice, je vous cite souvent les saints et les docteurs de l'Église, ben, il faut bien me laisser quelques petites choses. Eh bien, Saint Grégoire de Nice disait, l'homme a été conçu avec le devoir de devenir Dieu. Autrement dit, l'homme n'a pas le droit d'échouer. Et l'homme a le devoir de réussir sa vie, c'est-à-dire de devenir Dieu. Ça vous étonne peut-être qu'un père de l'Église, qu'un saint ait dit qu'on était conçu avec l'ordre de devenir Dieu, mais c'est fondamental pour moi. Et comment peut-on devenir Dieu? C'est en conscientisant en nous-mêmes cette vie universelle qui est Dieu, si vous voulez, cette vie universelle qui pénètre en nous et qui prend conscience de sa réalité par le fait que l'homme est ce curieux animal, vous disent les philosophes, qui a conscience de sa conscience. Et réussir sa vie, c'est prendre conscience de cette conscience de la vie universelle qui s'exprime à l'intérieur de l'homme. Ça ne veut pas dire ça d'avoir une vie qui va être austère. Souvent, on n'entend pas. Bon, cette septième loi, par exemple, ce serait très souvent perçu par des gens qui diraient ça avec un esprit un petit peu critique en se disant, ouais, ben ça c'est un fondateur de secte, il va vous amener vers ci, vers ça. En fait, il dit les sixièmes lois, ça permet d'avoir un bonheur matériel, mais en fait, si vous n'avez pas la septième loi, vous êtes exposé au malheur. Alors, on a tout de suite l'intention de se dire, ah ben il veut quoi? Il veut que tous les bonheurs de la vie, hein, qu'on peut avoir par ces six premières lois, on les mette de côté, qu'on se détache, ainsi de suite. C'est pas nécessairement ça que ça veut dire. Ça n'a jamais voulu dire ça. Il y a des hypocrites, encore une fois, je m'excuse des termes, qui sont un peu forts peut-être des fois, mais il y a des gens qui ont interprété cette septième loi en ce sens, en disant, il faut être malheureux, il faut être austère, il faut avoir les traits tirés, hein, il faut avoir l'air d'avoir jeûné. Hein. Elle n'a rien jamais dit ça, elle a dit, il faut pas avoir l'air d'avoir jeûné. C'est ça qu'elle dit à ses disciples. Et en ce sens-là, il y a un livre absolument étonnant, disons que je ne le cautionne pas non plus dans son entièreté, c'est un livre de mon ami André Moreau. Il m'avait dédicacé ça en 79 en m'écrivant pour pouvoir aller trop loin. André Moreau, le plaisir et sagesse. André Moreau dit à l'intérieur de ce livre-là que autrefois l'homme a dû chercher le plaisir dans le bien et que maintenant il doit chercher le bien dans le plaisir. Évidemment, il faut interpréter. Puis comme dit mon ami Alexandre, avec un grain de sel puis toute la salière, parce que là ça peut nous entraîner dans des drôles de voies. Mais je suis tout à fait d'accord sur un plan ontologique avec cette expression. C'est-à-dire que il faut trouver dans je serais plus jovialiste que le père du jovialiste. Je dirais pas plaisir, mais je dirais joie plutôt. Hein? Faut trouver dans la joie le bien. C'est-à-dire dans cette attitude tout à fait joviale, dans cette attitude de bonheur. Hein? Ça me fait penser à la balade des gens heureux de Gérard Lenormand. Hein? Il faut arriver à trouver dans la vie de tous les jours une source de joie, une source qui permette justement à l'individu de ne pas se sentir mal, de ne pas se sentir morose, de ne pas se sentir coupé non plus de ce qui existe dans le monde, mais participer à cette existence du monde, participer à cette vie. Quelqu'un qui est dans la vie universelle, c'est pas quelqu'un qui est malheureux, c'est pas quelqu'un qui est toujours rempli de problèmes et puis qui est rempli de refoulement par des assaises trop radicales, etc. C'est quelqu'un qui tranquillement apprend à se marier, hein, apprend à vivre la noce, c'est ça que j'expliquais mardi dernier, une noce transcendante avec l'esprit universel de la vie. Et lorsque quelqu'un arrive à cette noce, hein, il n'a pas, ça n'est pas la même chose qu'une noce sur le plan matériel où il peut y avoir des effets secondaires non recherchés. Dans la noce avec l'esprit, il y a uniquement justement cette espèce de joie profonde de la personne qui arrive éventuellement à se dépasser elle-même, à se décentrer. Donc elle n'a plus peur, parce que c'est la peur qui enlève la joie, n'a plus peur de se perdre, n'a plus peur de perdre quelque chose puisqu'elle participe à l'universalité de la chose. Alors évidemment, elle n'a plus aucune angoisse existentielle de se dire « Oui, mais peut-être que je vais être anéanti, peut-être que je ne me sauverai pas et rechercher ce salut ici et là », alors que le salut est tout près dans la consommation d'un verre d'eau, dans le fait de s'asseoir à table, de manger dans un silence lorsque c'est possible, avec une attitude qui fait que cette vie qui est incorporée au corps, eh bien, elle participe aussi, à une nourriture supérieure. Et dans les gestes quotidiens, c'est de prendre tous les gestes de sa vie, le fait de s'asseoir, de parler, le fait d'écouter, le fait de se lever, hein, comme un moment dans l'expression de la conscience de la vie. impersonnelle, de la vie universelle, hein. Et puis dire finalement un peu comme Renaud le dit, le philosophe Renaud, le chanteur français, qui dit te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même aussi, hein, le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. Alors ces banalités temporelles qui nous entourent et qui finalement ne sont qu'une importance secondaire et malheureusement auxquelles on s'attache trop souvent de manière très importante, eh bien ces choses autour, il faut aller au-delà, hein. Il y a aussi Émile Nelligan qui fait son célèbre poème sur la vie et qui découvre en la vie garde-elle mortelle, dit-il, c'est la chair des corbeaux. Il finit par découvrir dans la vie quelque chose de très négatif parce qu'il s'est laissé prendre au piège d'une vie extérieure, une vie exotérique qui nécessairement a son terme, a sa fin. Et il n'a pas été en mesure de se décentrer dans un acte d'amour, puisque c'est par l'amour qu'on se décentre, qu'on vit la noce, tant sur le plan matériel que sur le plan psychique ou sur les plans supérieurs. Mais il n'a pas été capable de faire ce geste, et c'est pourquoi donc il a terminé enfermé à l'hospice très jeune, parce que il a trop centré sa conscience sur une extériorité qui disparaît. Et Émile Nelligan m'a troublé très profondément dans ma jeunesse, parce que il y a des thèmes qu'il a développés dans ses poèmes qui sont suffisamment forts pour complètement ébranler des individus, surtout des individus qui vont vers la conscientisation, notamment un poème qu'il écrit devant deux portraits de ma mère, hein, où il présente un portrait de sa mère jeune et un portrait de sa mère âgée, un peu attaquée, si on veut, par le temps, et puis il décrit par son poème, ces deux choses-là. On voit vraiment que sa conscience a été complètement mise sur cette vie de l'apparence, sur cette vie artificielle. Et alors, c'est intenable, insoutenable. C'est tellement insoutenable qu'on va vers le délire, comme hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. C'est la fin de son poème « Le vaisseau d'or », où là, vraiment, il exprime toute son expérience. Il est d'abord un vaisseau d'or, hein, qui se promène sur des mers inconnues, qui est à la quête, qui dont le mât touche l'azur, hein. Et puis il termine dans l'abîme du rêve, il termine dans les abîmes les plus profonds et les plus sombres, parce qu'il n'a pas su communiquer avec cette dimension universelle de la vie. Alors, ensuite, vous allez pouvoir poser vos questions enfin, mais je voulais véritablement mettre un accent sur cette noce. Je voulais mettre un accent sur ce contact, sur cette fusion avec l'universalité de la vie qu'on n'a pas à rechercher dans une espèce de spéculation métaphysique, hein, dans un au-delà inconnu, mais qu'on a à chercher dans des choses très très simples, dans le fait de regarder un enfant sur la rue lorsqu'on va sortir tout à l'heure, et puis de réaliser que là s'exprime cette vie universelle, dans le fait, je le répète, de boire un verre d'eau, des gestes très très simples de la vie de tous les jours, qui sont des gestes initiatiques. Les gens cherchent des grandes initiations, avec surtout des grades longs comme ça, des médailles, des toutes sortes de choses extérieures, alors que la véritable initiation, c'est de vivre la vie, non seulement vivre la vie, mais réussir la vie. C'est-à-dire réussir à ce que cette vie vraiment prenne comme possession de soi-même, nous entraîne dans une nouvelle vie. Hein? Une vie qui n'est plus du tout sous le registre limitatif de notre petite coque personnelle. Et alors, c'est comme ça que l'homme atteint l'immortalité. On cherche toutes sortes de clés, on veut... Bon, regardez la médecine qui s'agite autour des différents problèmes pathologiques. On veut poursuivre la vie, mais la poursuite de la vie et la recherche de l'immortalité, elle se fait justement dans une direction tout à fait opposée à celle dans laquelle on la cherche actuellement. On cherche l'immortalité dans une centration absolue de la conscience sur des plans qui sont de par ontologie, par nature, donc par essence, des plans impermanents. Alors que l'immortalité, elle réside dans le fait, hein, de boire ce verre d'eau en y découvrant toute cette conscience universelle qui est derrière. C'est uniquement ça, l'immortalité. Hein? Vous avez entendu un jour un conférencier vous dire qu'il était immortel. Ben voilà. Être immortel, ce n'est pas de ne pas disparaître et ne pas être décomposé par les vers dans le sol. Être immortel, c'est acquérir, à un moment donné dans son existence, cette conscience universelle de la vie. Cette conscience universelle de la vie, c'est ça, la réussite de la vie. Vous pourrez réussir votre vie à tous les niveaux que vous voudrez. Si vous n'avez pas ça au terme, c'est un échec. C'est un constat d'échec, c'est un effondrement total de cette réussite qui vous attend. Et c'est pas possible autrement, puisque cette réussite extérieure, qui ne tient pas compte de l'équilibre d'une part entre l'inspire et l'expire, qui est cette dialectique de la vie, si on veut, eh bien, cette réussite ne peut pas avoir de pérennité, ne peut pas entrer dans le royaume de l'universalité. Pour pouvoir entrer dans le royaume, on a peut-être là-dessus première partie de l'exposé, pour entrer dans le royaume, il faut être préparé. Et pour être préparé, il faut être en mesure d'accepter, de mettre de côté un certain aspect de la conscience, qui est un aspect ancien de la conscience, un aspect involutif du fait de se retourner vers soi et commencer à vivre sous le registre de prendre son centre et d'aller le mettre dans l'universalité, autrement dit, dans un registre beaucoup plus axé sur l'expire. L'involution, c'est inspiration. L'évolution, c'est expiration. Et il expira, hein. Eh bien, c'est dans cette expiration et éventuelle que l'homme arrive à se sortir de sa coque et à entrer dans le monde de l'universalité, comme lorsque un individu arrive à sortir de la matrice maternelle et entrer dans l'univers, dans le monde que l'on connaît. C'est par une sortie, c'est par une extériorisation à ce niveau-là, et c'est cette extériorisation diamétralement dans la pensée, et elle est liée au fait de l'inspiration aussi. Donc, par cette inspiration de l'universalité, il y a comme une expiration du limité, et là, vous participez à cette conscience transcendante de la vie, et là, vous savez ce que c'est que la vie. Mais la vie, c'est, pour reprendre les paroles de notre ami Bernard de Montréal, la vie, c'est simple lorsqu'on la comprend, c'est complexe lorsqu'on la comprend pas. Et pour comprendre la vie, il s'agit simplement de voir le mécanisme de la vie sur un plan extérieur, la respiration. Vous avez compris le principe de la respiration, vous avez compris le principe de la vie, et vous êtes en mesure d'entrer dans cette vie tout à fait autre que la vie universelle. Et alors, la vie personnelle, la vie limitée, semble être un état de mort par rapport à cette vie qui est maintenant une participation consciente à la totalité de la réalité, si on veut. Alors, parlons donc encore de cette préparation de l'homme avec ce contact avec la vie universelle. Il s'agit ici, lorsque vous parlez de vie universelle, de l'énergie qui nous anime, de la flamme qui brûle en nous, d'une énergie pure qui n'est pas colorée par quoi que ce soit. Et si on reprend par analogie ce que vous avez développé au niveau de la respiration, on peut dire aussi que à tous les plans de la santé, qu'elle soit physique, vitale, astrale ou mentale, ça procède à peu près de la même loi, c'est-à-dire d'aspiration et d'expiration, ou bien d'absorption et de rejet. On le comprend très bien au niveau du plan physique, du plan vital. Ça devient déjà un peu plus compliqué au niveau de l'astral, des émotions que l'on absorbe et qu'on rejette. Mais au niveau du mental, l'ego ou le mental qui est assoiffé de connaissance, qui ne fait qu'accumuler de la connaissance sans jamais vouloir s'en départir ou en rejeter, parce qu'il s'est identifié à cette connaissance-là, est-ce que lui ne bloque pas à ce moment-là le contact avec cette énergie, elle, qui n'est pas colorée, qui n'a jamais été altérée par la pensée? Dans cette énergie-là, je ne sais pas s'il y a de la place pour une personne qui veut entrer avec ce contact, s'il y a de la place pour des ayatollahs, pour des papes, pour des popes, pour des systèmes gandhistes, des systèmes marxistes, des systèmes capitalistes, communistes, tout ce que la pensée a construit. Donc, qu'est-ce qui permet, quel est le critère qui permet de faire le tri entre ce que l'ego ou le mental doit conserver et ce qu'il doit rejeter? Ou est-ce que tout n'est pas finalement à rejeter au niveau du mental pour être en synchronisation avec cette énergie-là? Une bonne question. Au-delà de la farce des églises de Dieu. C'est intéressant comme question parce que ça pose tout le problème de cette circulation de l'énergie. Le problème majeur à l'intérieur de l'homme, c'est que comme l'homme est un être de conscience involutive, ben c'est un individu qui aspire les choses et qui veut justement pas les expirer. C'est-à-dire que comme nous avons été habitués depuis des décennies depuis des siècles, depuis des millions d'années, à accumuler des choses pour nous bâtir, pour nous construire. Parce que on est un corps complexe. On n'est pas parti d'une constitution complexe comme on est actuellement. On est parti d'un micro-organisme, semble-t-il, dans l'eau, un micro-organisme tout à fait simple, et on a accumulé ceci. Ça veut donc dire quoi? Hein? Pour avoir été capable de développer des milliards de neurones, hein, à partir de milliards, de milliards, de milliards d'atomes, d'avoir coordonné tout ça ensemble, de telle sorte qu'on ait un encéphale aussi bien développé que maintenant, un cordon de l'épine dorsale qui soit aussi bien développé, tout système de nerfs rachidiens, etc., ben c'est parce que on a pris des choses et qu'on les a, par la force, par une force, par un aspect de la force de la vie qui est l'inspiration, les a toutes conservées et unies ensemble. Maintenant, nous sommes à l'heure où, tranquillement, on doit être en mesure d'atteindre cette espèce d'équilibre. Alors, évidemment, les systèmes institutionnalisés à partir de concepts mentaux sont nécessaires dans la mesure où ils permettent de construire certaines formes qui peuvent être utiles pour le développement d'une civilisation, mais toutes ces formes sont appelées à mourir. C'est ce qu'on a dit dans la feuille de présentation. Toutes les civilisations qu'on a connues jusqu'à maintenant sont des civilisations qui ont eu une période de croissance, un plateau, une période de décroissance, de destruction. On vient au jour où nous allons être en mesure de vivre dans une civilisation qui n'aura plus de fin, parce que cette civilisation ne sera plus basée sur l'un des aspects du mouvement de la vie, qui est ou bien l'inspiration ou l'expiration, mais va être basée sur un juste équilibre des deux. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente sur le plan du mental? Ça représente de recevoir sur le plan du mental une certaine lumière, une certaine énergie mentale, et de la faire passer tout de suite. De ne pas la conserver en cas de besoin, hein? Ne pas la ranger un peu comme, c'est très animal, c'est l'écureuil qui ramasse ses glands puis qui les cache. Bon, ça a été bon, c'est important d'ailleurs encore pour l'écureuil, ça a été très important pour l'homme, parce que s'il ne s'était pas ramassé de la nourriture pendant l'hiver, alors qu'on n'avait pas les moyens de communication qu'on a maintenant, les serres, etc., il serait mort. Donc on a eu une période où il a fallu accumuler, puis c'est normal. Et il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans, bon, c'est pas nécessairement mauvais, hein, mais qui sont encore dans cette psychologie des conserves, hein, où ils accumulent beaucoup parce que il y a une période qui semble arriver, qui va être plus creuse. Hein, c'est d'accumuler lorsqu'on a les vaches grasses, au cas où il y aurait des vaches maigres. Hein. Mais le jour vient où il n'y aura plus de vaches maigres. Parce que pourquoi il y a des vaches maigres? C'est justement à cause du mécanisme que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire que lorsque vous accumulez, vous créez une espèce de blocage. Hein. Et les forces de la vie universelle qui vous auraient nourri, qui vous auraient permis de continuer votre cheminement, ne passent plus. La tuyauterie est bouchée. C'est ça. C'est de s'inquiéter de ce qu'on mangera demain. S'inquiéter de ce qu'on va manger demain, ça bloque. Ça bloque parce que on s'extrait déjà de ce mouvement du aujourd'hui, de cette pénétration de la vie d'aujourd'hui. On s'en extrait pour penser à demain. En s'en extrayant, évidemment, il y a blocage. Puis le courant passe plus. Alors, évidemment, tous ces systèmes idéologiques ont souvent été comme cela. C'est-à-dire qu'on a voulu perpétuer quelque chose. On a voulu perpétuer une idée, on a voulu assurer la pérennité d'un concept. Prenons le marxisme, par exemple. Le marxisme n'a rien à voir avec la pensée de Karl Marx, mais le marxisme actuel assure, si on veut, la pérennité institutionnelle d'un concept économique. On n'a pas pensé que le concept économique, il est bon lorsqu'il passe et lorsqu'il permet à des gens de vivre, mais qu'autrement, de vouloir en assurer l'existence indépendante dans une structure qui est bureaucratique, ça ne fait pas de sens. Alors, on fait de la bureaucratie parce qu'on veut s'assurer qu'une chose va demeurer, et qu'une chose sera toujours bonne, et qu'on pourra toujours y avoir accès, alors que la chose, elle doit être acceptée lorsqu'elle passe. Et puis, là l'énergie passe, vous êtes bien. Eh bien, il s'agit de vivre ce moment où on est bien, de vivre ce moment intense de communion avec cette force universelle, avec cette vie universelle. Et puis, pour plus tard, c'est certain que cette énergie va continuer, parce qu'on baigne dans cette force. Le seul problème, il est lorsque on veut la conserver. Et la conserver, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme vous l'avez mentionné, s'identifier à elle. Ne vouloir plus faire qu'un avec une portion de cette universalité. On peut prendre un exemple très concret. Vous croyez à la réincarnation. Bon, la réincarnation, c'est un aspect de la conscience cosmique, de l'intelligence cosmique. Vous croyez à la réincarnation, vous croyez tellement à la réincarnation, vous vous identifiez à la réincarnation. Lorsque vous vous identifiez à la réincarnation, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué de tous les autres aspects de la conscience universelle que celui auquel vous vous êtes voué corps et âme, la réincarnation. De telle sorte que vous ne savez plus, vous n'avez plus accès à la réalité de la résurrection, vous n'avez plus accès à la réalité de l'immortalité, vous avez accès à un concept réduit de cet universel. Eh bien, si c'est comme ça sur le plan du mental, c'est également comme ça sur le plan des émotions. C'est-à-dire qu'on prend une portion de l'universel, de la vie universelle, et on la découpe. On fait comme une dissection dans l'universalité de la vie. Quand on fait une dissection, qu'est-ce qui arrive? On meurt. Donc, on entre dans le registre de la mort, et on s'enfrit le corps d'ossements de mort. C'est pour ça qu'on parle dans ces termes-là. C'est-à-dire qu'on remplit notre conscience de réalités qui sont rendues totalement dévitalisées par le fait que, justement, on les a coupées de par notre activité cérébrale, etc., on les a coupées de l'authentique vie, de la source qui les soutenait. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'empêcher d'élaborer des concepts, mais on ne doit pas rester accroché à eux pour pas qu'ils se cristallisent et qu'ils finissent par boucher la tuyauterie, qu'on ait besoin de draneaux demain pour nettoyer ça, pour que l'énergie puisse passer. On ne peut pas se séparer des concepts de toute façon. On est obligé de cheminer avec eux, mais il ne faut pas les figer. C'est ça. Vouloir faire le rejet de tous les concepts, de toutes les idéologies, de toutes les institutions... C'est des marchepieds, quand même. Ça, c'est aussi tout à fait ridicule, parce que l'homme vit aussi de cette phase de cristallisation, c'est-à-dire de cette phase d'extériorisation. On inspire, on reçoit, on se branche, mais ensuite, on fait de cela quelque chose de réel, c'est-à-dire on passe en laboratoire, on en construit une société. Ce qu'il faut, c'est réaliser que cette société, elle fait partie de ce mouvement. Donc, durant la période où, globalement, vous expirez, eh bien, c'est correct que vous le construisez. Mais à un moment donné, il faudra reprendre le mouvement et inspirer. Et alors, tout ce que vous avez expiré va retourner au chaos. Ah, c'est la théorie extraordinaire qu'on va d'ailleurs étudier en partie la semaine prochaine. C'est la théorie du Big Bang. Hein? Je crois au Big Bang. Bon, ben ce Big Bang scientifique, hein, ça va très loin parce que c'est justement cette expiration et cette inspiration, et c'est un moment où l'univers est en espèce de d'expansion et où là tout se construit sur le plan extérieur. Et on pourrait s'étonner et s'émouvoir face aux différentes réalités de l'univers et dire que c'est une belle planète, que c'est un beau système solaire, que c'est un bel univers. Hein? Mais on sait que tôt ou tard, cette espèce de fille universelle qui s'exprime par l'expansion va tout à coup se contracter et que tout ce bel univers va retourner au chaos initial. C'est, autrement dit, pour bien comprendre le phénomène de la vie, il faut accepter l'expérience de la mort. C'est-à-dire l'expérience de la dissolution absolue. Hein? Il y a deux choses dans la vie. Il y a la dureté absolue, c'est-à-dire la constitution, comme vous dites, d'un concept qui va se cristalliser, puisque c'est sa fonction aussi de se cristalliser, mais ensuite, l'expérience de la dissolution absolue. Que ce concept vienne se dissoudre dans l'universel pour redonner, c'est l'animal hein, qui naît sur la planète. Prenez un rat, pourquoi pas. Un rat qui naît sur la planète, qui fonctionne, qui a sa vie organique, mécanique, et tout à coup, il meurt. Hein? Et tous les constituantes qui le composent, qui s'étaient organisés suivant un aspect des forces de la vie, vont se dissoudre dans le chaos, retourner au sol, nourrir des plantes, vous allez manger des plantes, vous mangez le rat. Hein? Bon, et il y a un recyclage éternel. Eh bien, au niveau des concepts, parce que, à mon avis, c'est une erreur de ne pas considérer à un très haut niveau la loi d'analogie. Et cette loi d'analogie permet de voir dans ce rat qui naît et qui se décompose et qui vous renourrit par la suite, eh bien, ça nous permet de voir la même chose dans les concepts. Alors, le concept que vous regardez, par exemple, le marxiste, qui est devenu, puisque vous avez souligné ce terme, le marxiste qui est devenu opposé presque à la doctrine de Karl Marx, qui n'a plus rien à voir avec ce qui lui a donné naissance, c'est un concept cristallisé. La même chose avec la pensée cartésienne. Avec la pensée cartésienne qui a perdu la carte. Oui, tout à fait juste. Alors, ces concepts qui sont cristallisés, on ne peut pas dire non plus, ils sont mauvais, il faut s'en débarrasser, Non, ce sont des rats qui sont en train de se décomposer. Et il faut se dire une chose, c'est que de ce marxisme, de ce cartésianisme athée, ridicule, qui n'a plus rien à voir avec Descartes, eh bien, ces concepts-là vont nous nourrir. On va se servir des effluves de leur décomposition hein, pour se construire de nouveaux concepts, pour se construire de nouveaux marchepieds, c'est un très beau terme, pour se bâtir nous-mêmes dans notre mental et continuer de fonctionner. Parce qu'il y a des choses étonnantes. Hein. Dans notre mental actuellement, nous avons des atomes qui ont appartenu à des corps mentaux passés. C'est-à-dire que dans notre organisation, bon, je vous parle pas du cerveau. Déjà, au niveau du cerveau, ce serait facile à prouver que nos vieux ancêtres, hein, qui se sont décomposés, on a fini finalement par réincorporer leurs molécules de carbone, etc., puis qui sont dans notre cerveau. Donc, on a du carbone dans notre cerveau, hein, qui vient de monsieur, madame, homo erectus, hein. Bon. On a du carbone qui vient d'un peu partout. Ce carbone a une mémoire. Ce qui fait que notre cerveau participe à la mémoire d'entités qui nous ont précédés dans les plans invisibles, participe également à la mémoire dans certains cas, puis ça se fait par le mécanisme de l'évolution de la constitution ou de la conscience de certains animaux. Ce qu'on a dans notre mental, les particules, par exemple de certains chiens, de certains chats qui ont vécu il y a des centaines d'années, on a des molécules chimiques, on a des atomes chimiques de ces entités dans notre propre cerveau. Donc on est constitué à ce niveau-là. Mais c'est pas de ça que je veux parler. C'est pas non plus du fait que par la respiration, hein, comme l'ont dit certains livres de vulgarisation, on respire à chaque inspiration, on incorpore du carbone qui est passé dans les poumons de Napoléon. Hein? Bon, alors il y a sur le plan éthérique une mémoire encore une fois. Donc on a du Napoléon lorsqu'on respire, on a du Caligula aussi. Hein? On a de tout qui entre à l'intérieur de notre respiration. Et ça, ils ont fait des études assez étonnantes parce que on peut prouver que à chaque inspiration, il entre en nous un volume d'air qui est passé vers les poumons de Napoléon. C'est étonnant. Mais plus loin encore, au niveau de notre mental, c'est-à-dire de notre corps mental, dans le monde mental, il y a des atomes mentaux, il y a une structure mentale qui vient non pas tellement du cerveau, et non pas du tout du cerveau, mais de vieux concepts. De telle sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on pense, hein, on pense avec les pensées des autres, c'est-à-dire qu'on pense avec ces vieux concepts qui se sont décomposés. De telle manière que lorsque le chrétien parle de l'Eucharistie comme une représentation de l'événement du Golgotha, il pense avec de vieux concepts mythologiques qui appartenaient à des civilisations très anciennes qui ont commencé à vivre l'expérience du sacré et du spirituel sur la terre il y a des milliers d'années. Lorsque on pense en termes de rapport cartésien, on a à l'intérieur de nous des vieux concepts karmiques qui nous arrivent de l'Orient et qu'on a assimilé à l'intérieur de notre véhicule mental, qui fait qu'on a ce type de pensée, qu'on a ce type d'appréhension du réel, du monde qui nous entoure. Ça, c'est très, très, très intéressant parce que ça montre que ces concepts qui ont existé autrefois, eh bien, on en est, d'une certaine manière, participants. Et qu'on ne peut pas les rejeter et dire, moi, je suis totalement en dehors de ce vieux système de pensée, je suis totalement en dehors de la pensée mythologique qui nous a précédé, de la pensée des premiers temps du christianisme, ainsi de suite, parce que tout cela, d'une certaine manière, baigne notre mental et constitue notre mental. Donc, comme la décomposition d'un corps physique permet la construction de nos propres corps physiques, la destruction des concepts et la destruction des émotions, des temps passés construisent notre corps mental, notre corps émotionnel. De telle sorte que on pourrait dire, nous sommes des êtres civilisés, alors en voyant un combat de lutte, on ne devrait pas nécessairement sécréter de l'adrénaline et être prêt à passer au combat. Hein? Mais il faut comprendre que dans notre corps émotionnel, on a des structures. On a des atomes, on a des constituants qui viennent des vieux corps astrals, des hommes qui autrefois, lorsqu'ils voyaient un combat, il fallait qu'ils s'activent, parce que s'ils s'activaient pas, ils passaient. Hein? Alors, il fallait qu'ils participent au combat. Alors, c'est pourquoi il y a cette espèce de folie furieuse autour de la lutte, par exemple, puisque vous connaissez Télé7 à Sherbrooke. Télé7 à Sherbrooke a sa plus haute cote d'écoute sur les étoiles de la lutte. Bon. Alors, les gens, le dimanche, ils sont à leur écran de télévision, et puis, ils sécrètent de l'adrénaline, ils sont en position de combat devant leur écran, avec des gens qui luttent. Hein? J'entendais des reprises d'une émission de radio qui a eu lieu, je crois, bon, l'an dernier, et Puis Dominique Michel faisait une espèce de monologue, puis elle disait que aujourd'hui on n'a plus besoin d'avoir un foyer parce que on peut acheter une cassette vidéo de 2 heures, vous mettez ça dans votre télévision, puis vous voyez le feu qui brûle pendant 2 heures. Hein? On n'a plus besoin d'avoir un aquarium, vous mettez votre cassette de 2 heures, voyez vos poissons qui se promènent dans l'aquarium, vous n'avez pas besoin de les nourrir, vous n'avez pas besoin de les nettoyer, etc. Bon, alors, un peu de la même manière, on n'a plus besoin aujourd'hui d'aller sur l'arène, on n'a plus besoin d'être au forum, on n'a plus besoin d'être à Rome, puis de vivre des combats, on peut s'asseoir devant sa télévision, puis les regarder. Mais lorsqu'on les regarde devant sa télévision, peut-être comme le feu qui brûle, ça éveille en nous quelque chose. Parce que en nous, nous avons les atomes de ceux qui ont combattu autrefois. Nous avons les atomes d'Hercule qui a combattu. Nous avons les structures émotionnelles qui, à cause des mémoires qui les composent, se réveillent, se réactivent devant le combat, se réactivent devant un morceau de chair sanglant où vous allez saliver. Bon. Mais c'est parce que vous avez déjà été un animal féroce qui, lors de la vue du sang, allait souffrir. C'est pourquoi c'est important d'épurer le corps astral, d'épurer le corps mental. Mais c'est aussi pourquoi c'est important de ne pas rejeter du revers de la main le passé en disant « moi, je ne suis pas de ce passé ». Car vous êtes constitué des mêmes atomes qui ont constitué nos vieux pères. Tant sur le plan physique que sur les autres plans. Donc, il y a une constitution